Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Aujourd'hui, on va vous parler du flop cruise des films à enterrer. Oui. Flop cruise. Alors Serena, flop cruise, les films enterrés, qu'est-ce que c'est? On va dans un cimetière, on creuse et on balance les bobines dedans. Qu'est-ce qu'on fait? Alors moi je me disais des choses que je ne voudrais jamais plus revoir. J'aurais même aimé que ça n'existe pas du tout. c'est même pire, c'est que tu remontes dans le temps pour les que enterrer. Le film ne se passe pas. Non mais j'espère que t'as vraiment, tu t'es dit mais Berk. Tu veux pas de remake, c'est vraiment tu veux pas. Berk. Ok, ça marche. C'est ces sentiments là. Ok. Donc je me suis vraiment contrainte à faire un top 3. Ah, je pense qu'il y en avait plus. ça aurait pu être très bien un et top là, 5. Et c'est au choix. Après chacun voilà. Ajoute ce qu'ils veulent. Okay. Comme ça, dans ma tête, je peux faire une mention spéciale comme ça que je jette. Ok. Qui est Vanilla Sky. C'est mention spéciale, c'est pas dans mention le top. Spéciale. Ouais. Bah, parce que j'y réfléchis là, je me dis mais c'est vraiment pourri. Bah, et puis c'est un remake, c'est vraiment pourquoi on pourri. Fait un remake pourri, tout ouais, pourri. Je suis d'accord. Caca. je l'avais vu au cinéma. C'est un film qui revient souvent dans sa filmo en disant « Ah, Vanilla Sky, il était bien. » Non. Pourri. C'est pas bien. Intérêt. Bon, mention spéciale. Au numéro 3, j'ai envie de dire Valkyrie quand même. Oui, bah, c'est pas... parce que c'est de chiant. Façon, c'est chiant, c'est nul. Il a rien pour le sauver. Non. Rien. Ouais. Rien, l'histoire, rien. Gros flop dans mon cœur. Donc dans voilà. Le cœur de tous les Allemands aussi. Hein. Oui, surtout tous les Allemands, de plein de gens, je oui, pense. Oui, je pense qu'il y a plein c'est de vraiment, gens qui. Et en plus, ça reste pas dans l'histoire, donc ça a rien. En plus, j'étais, allez, c'est voilà. Très bien. Au numéro 2, oui. J'ai envie de dire Losing It, oui. American Teenagers, très gênant, très. L'histoire vraiment problématique, ah ouais, je trouve. Les Tom personnages Cruise, problématiques. Vraiment problématiques. Tout, en fait, c'est toute la vague des années 80 qui ne nous intéresse plus du tout. Que maintenant, aujourd'hui, ça serait vraiment honteux de faire quelque chose comme ça. Donc, on peut l'enterrer. En plus, on ne se rappelle pas de ça. Ouais. Vas-y, c'est un petit enterrement discretos. Il n'y a même pas la famille, quoi. C'est un petit enterrement. Il n'y a même pas les comédiens, je pense. Okay, qui ont joué dedans. Donc, pas de remake, hein. Clairement. Non, là, non, là clairement. Cet épisode, c'est aussi à destination des producteurs. Là, on vous donne des films, ne faites pas de remake. S'il vous plaît. Voilà. Et après, au numéro 1, je pense que tu peux être d'accord. C'est un peu compliqué parce que c'est un gros succès. Ah. Mais je pense qu'il faudrait vraiment l'intérêt et c'est Cocktail. Ouais, ah ouais, tu c'est prêches vraiment, un convaincu. Moche, Berk, je ne voudrais jamais plus le revoir. Je pense que ça a fait quand même du mal au métier des barman qui ouais. Sont dû retrouver à faire des espèces de pirouettes avec leur truc en plus. Ouais. Bon, ça peut-être relancer le jonglage. Les jonglages barman, mais bon, quand même. Gênant, propos horribles, problématique. Si on l'enterre, bof, ça gêne personne. Tout va bien. Tout va bien. Nettoyage de la carrière de Tom Cruise. Bah peu, oui, dans un petit, tu les effaces ouais, légèrement. C'est bien. Voilà. Eh ben merci beaucoup. Eh ben merci. À demain. À demain.